Bonsoir, on est en direct de MTC Montréal, Torah Center. Et ce cours pour la paracha de la semaine est sur la paracha de Tetzaveh. On est le 4 Adar 1, premier Adar, premier mois de Adar, 5774, et on est le 4 février 2014. Et ce cours est pour la Refoua Shelema de Yael Bat Rosalie. Et pour la Refoua Shelema de Nissim Ben Aviva, et pour la Ilul Nishma de Rosalie Bat Urida, Bat Hashem. Bonne soirée, bon cours, avec le Rav, une surprise ce soir, je ne sais pas, un nouveau Rav. Ok, alors bonne soirée. Les règles, les lois de Murphy, si on dit qu'ils ne vont pas arriver, ils arrivent. Alain Wiesmann. Et vous? Sulmanto Darwin. Je vous connais, mais j'ai oublié le nom. Moi, tu ne peux pas m'oublier. Sulmanto. Comment ça va? Alors, bien sûr. Alors, on vous attendait en fait. Maintenant, vous êtes arrivé, on peut commencer. La providence divine, la Hashgacha Pratit, fait en sorte que, depuis des années, je me suis rendu compte que les Jeux Olympiques, ils tombent toujours dans la même période. La période de Terouma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé. Vous connaissez le lien entre les Olympiques et le Temple? Non. Non. Il n'y en a pas vraiment, il n'y en a qu'un seul que j'ai trouvé. Parce que vous imaginez bien que les Olympiques, ce n'est pas tellement notre, à l'origine. Ça n'a pas une origine très kadosh, très sainte. Mais il y a quelque chose quand même qui nous rappelle ça, et ça tombe tout le temps au même moment. C'est la médaille, l'or, l'argent et le cuivre. Normalement, c'est le bronze. Aux Olympiques, chez nous, c'est le cuivre. C'est quatre parachats qui parlent que de ça. Et l'or, et l'argent, et le cuivre. Intéressant. Et qu'est-ce que ça nous apporte, nous, l'or? Enfin, je ne sais pas si vous avez beaucoup d'or à la maison, mais... Des Olympiques d'hiver. Toujours, oh oui. Ah, Terouma Tetzavé, on ne la lit jamais en été. C'est toujours à cette période-là des Olympiques d'hiver. Alors, qu'est-ce que c'est l'or, l'argent et le cuivre, ou le bronze, la troisième qualité de métal, si on peut dire ça? Akadosh Baruch Hu, a priori, ce qu'il préfère, c'est l'or. Pas dans le sens matériel de la chose, mais le plus beau, le plus pur. Le plus pur. Et d'ailleurs, dans le temple, les éléments les plus importants étaient faits en or. C'est pas que ceux qui étaient faits en cuivre étaient moins importants, mais quelque part, ils avaient. On va découvrir ensemble une signification, quelque chose de moins élevé que l'or. Mais quand même, Dieu, il prend de chaque juif, que ce soit de l'or, ou un peu moins de l'argent, ou du cuivre. Moi, j'ai une question pour vous, en tout cas pour ceux qui voudront jouer se prêter au jeu. Moi, j'ai une question pour vous. Quelqu'un qui est prêt, il me dit, est-ce que quelqu'un parmi vous, il a un aliment qu'il n'aime pas du tout, qu'il n'est pas prêt à manger, mais vraiment pas capable de manger? Ouais, la cervelle. La cervelle. La cervelle. D'accord. Alors moi, je voudrais faire avec vous trois paris. Vous me dites si vous êtes disposé. Vous réfléchissez avant de répondre. Le premier pari que je fais avec vous, c'est comme ça. Si pendant un an, vous me dites si vous avez déjà joué à ce jeu, vous me le dites. Non. Si à partir d'aujourd'hui, et ce pendant un an jusqu'à l'année prochaine, vous arrivez à manger de la cervelle tous les ans, on fait un pari, vous et moi. Si vous réussissez, je vous donne $1 million. Si vous n'y arrivez pas, vous me devez $1 million. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable? Personnellement, non. Même pour $1 million? Ouais. Ah ouais? Ouais. Pas bon. Et tu as un aliment que vous n'aimez pas, vous? Non, vous aimez tout? C'est extraordinaire. Il n'y a pas quelque chose que vous n'aimez pas manger? Il y a le gefilte fish. J'ai trouvé. Le square, il y a les carrés de quoi? Les carrés de l'ashkenazé. De... Kugel. Non, regel krusha. Ah, le... Comment le kishke. Ah, qu'est-ce que j'aime pas ça. Non plus, ça, bon, ben voilà. Alors, tu vois, tu as trouvé ça, quelque chose. Il n'y a pas un aliment que vous n'aimez pas? Mais je mangerai n'importe quoi pour $1,000,000. Mais attends. Le $1,000,000, c'est, il faut manger tous les jours une petite portion. Pas tous les jours. On s'arrange sur quelque chose. Ok, ouais. Mettons Shabbat. Tu fais un effort. Shabbat, tu travailles sur toi, tu te dis au bout du compte, il y a $1,000,000. Tu fermes les yeux. Ok, ok, on va dire, on peut se forcer. C'est faisable. Ouais, je pense que ça. Il commence déjà. Non, si je dois manger que ça, non. Je suis sérieux, tu as confiance. Je te l'ai. Oui. Aujourd'hui, il y a l'échec. Je pense que tout le monde est capable. Maintenant, si je vous dis un deuxième pari, je vous dis, regardez, je vous donne 3 jours pour que sincèrement, mais en honnête, c'est-à-dire vous êtes honnête, on fait un test et tout avec le, comment on appelle ça, le test anti-mensonge. Anti-mensonge et à Dieu qui vous regarde, vraiment, c'est-à-dire Dieu il sait la vérité, mais vous n'avez que 3 jours pour aimer la cervelle ou pour aimer la kishka. Mais au bout de 3 jours, si vous n'arrivez même pas à aimer, si vous vous forcez, vous n'aimez pas, vous perdez 1,000,000. Sinon, vous gagnez 1,000,000. Vous pariez toujours ou pas? Non, on va toujours essayer de parier, bien sûr. Non. Mais tu risques de perdre 1,000,000. Non. Oui, mais... Tu risques de perdre 1,000,000. On peut se forcer. Je t'ai pas dit ça. Je t'ai dit... Non, on peut se forcer. Mais... Non, mais essayez d'imaginer le concept. Ouais, quelqu'un... Ça change. Tu peux changer. En 3 jours, est-ce que vous pensez que vous pouvez aimer un aliment que vous n'aimez pas? On va cuisiner différemment. Et vous prenez le risque... Ça va vous coûter 1,000,000. Ben, on va en recuisiner différemment. Parce qu'on l'aime. C'est pas possible. Tu peux pas apprendre à aimer quelque chose que tu n'aimais pas en 3 jours. C'est impossible. C'est physiquement pas possible. Oui, mais bon. Si tu as 1 an devant toi pour te train et commencer à chercher à apprécier quelque chose que tu n'aimais pas jusqu'à maintenant. Mais en 3 jours, si c'était vraiment faisable, tu l'aurais fait. Ouais. Comme c'est pas possible. Okay, ouais. La vérité, c'est oui, que oui, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Je sais que c'est pas possible. C'est pour ça que je n'ai pas dit de manger, j'ai dit d'aimer, vraiment, d'être honnête avec soi-même, d'apprécier un aliment qu'on n'apprécie pas. C'est pas possible. En 3 jours, c'est pas possible. 2,000,000. Je pense pas que ça se calcule dans la quantité. Même si je vous avais dit $100,000, c'est plus rationnel. Voilà, mettons. Calme le jeu. $10,000, on devient rationnel. Mm. Mais c'est pas faisable en 3 jours. Si j'ai pas aimé jusqu'à maintenant, pourquoi en 3 jours je réussirai à aimer? C'est pas possible. C'est pas l'éducation à aimer en 3 jours qui va faire que ça change. Non. Regardez, même les gens qui, par exemple, ont des problèmes de poids ou des problèmes graves, qui doivent travailler sur les affaires du sport, etc., c'est pas en 3 jours qu'ils y arrivent. Ils peuvent courir pendant 3 jours, mais ils sont pas devenus comme ça avant. C'est pas possible. Comment ils peuvent faire comme ça? Pegasus. Comment? Vous voulez ça boire. Joue à la télé ce soir. Non, c'est non. Non. Allez-y, allez-y, prenez. Non. Non, pour vous. D'accord. D'accord. Troisième bête. Le troisième bête, il est le suivant. Si je vous dis, je vous donne 1 an, mangez et espérez que vous allez apprécier au bout de 1 an. Ah, ça, c'est faisable. Là, c'est déjà un peu plus rationnel. On dit voilà. Moi, là, je suis prêt à mettre. Je suis prêt à essayer de me dire si je, tranquillement j'apprends à découvrir, je vais travailler jusqu'à ce qu'un jour, dans 1 an, je pense que je suis capable de dire j'aime ça. C'est possible, c'est un risque. C'est déjà un lower risk. C'est un risque beaucoup plus bas. C'est un risque. Il y en a qui vont dire oui, je suis prêt à le faire parce que ça vaut la peine, 1,000,000. Il y en a qui vont dire non, c'est trop risqué, je ne suis pas en mesure de. Je vais pas. Mais déjà, gardez cette idée maintenant de côté, on va passer à autre chose. Le temple, le Mishkan en fait. Le premier temple mobile a été constitué, on l'a dit tout à l'heure, de différents matériaux. Oui. Atzei Shittim, du bois, de l'or, de l'argent, du cuivre, etc. Est-ce que vous avez l'image en tête du Mishkan, comment il était? Vous voulez que je vous remonte une image? Oui, j'ai vu là. La semaine dernière, dans Teruma, on avait déjà parlé de certains morceaux du Mishkan. On avait dit que... Il y avait ici, cette petite maison, c'était le Mishkan, et autour, il y avait un grand khatser, une grande cour, n'est-ce pas? Mm-hmm. Là, le Mishkan, il est fermé, il est couvert, là. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a 4 voire 5 meubles. Est-ce que vous vous rappelez lesquels sont? Quels sont-ils? Le Shulchan, très bien. La Menorah, très bien. Les deux sont fabriqués en quoi déjà? Comment? Misber. Misbeh, très bien. Lechem apanim, il a dit, c'est Shulchan. Shulchan, lechem apanim. C'est le même. C'est le Shulchan et dessus, il y avait les tiroirs, tu sais, les étagères. D'accord? Mais c'est le même meuble. Donc, déjà, les 3 qu'on a évoqués, les 3 sont fabriqués en quoi? bois. Métal. En bois, recouvert zinc. D'or. Parce qu'on ne peut pas faire 100% or, ça ne tiendrait pas. Donc c'est Atsechitim, c'est du bois. Sauf la menorah. Recouvert d'or. Comment? Oui, sauf la menorah, fait que en or, exact. Quatrième meuble, qui n'est pas dans le Mishkan, mais il est dans Kodesh HaKodashi. Il est dans le Saint des Saints, c'est aussi en dessous, là. Ah oui. Mizbeach HaTzahav. Non, on l'a déjà dit. Non, on l'a dit. Comment ça? Ce qu'il y a dans le. L'arche. Alors, ça, on avait déjà parlé la semaine dernière. On a parlé de l'ordre que Dieu a donné de construire la menorah, le shulchan, le haron. Mais on n'a pas encore parlé du misbeach, le petit misbeach qu'on appelle misbeach hazar. On n'a pas parlé. On a parlé d'un autre misbeach la semaine dernière. Misbeach hachitson. C'est l'autre autel qui est en dehors du Mishkan. Il est dans la cour, mais il est en dehors. Et lui, il était fait aussi en bois, mais il était recouvert, lui, de nechoshet, de cuivre. Et cette semaine, on nous parle des habits du Kohen Gadol et on parcourt la paracha et à la fin, finalement, on nous parle de Mizbeach HaZahav. Mizbeach HaZahav, cet hôtel en or, il porte trois noms. On l'appelle où Mizbeach HaZahav? On l'appelle aussi Mizbeach HaKtoret, l'hôtel sur lequel on faisait les encens, parce que sur l'autre, on faisait les corbanotes. Et on l'appelle aussi Mizbeach HaPnimi. C'est l'hôtel qui est à l'intérieur, c'est celui qui différencie de l'autre. Lui, il est à l'intérieur, l'autre, il est dehors. Il a ces trois noms-là. Et on va comprendre pourquoi il porte ces trois noms-là. Chose très étonnante, Dieu, quand il ordonne donc la construction du Mishkan, il aurait pu le mettre en même temps que les trois autres meubles. Puisqu'on est dans l'enceinte, on a une, deux, trois, quatre, ça va ensemble. Non, Dieu, il nous parle de la menorah, du Aaron, du Shulchan. Il skip le Mizbeach HaZahav. On nous parle du Mizbeach HaNechoshet, celui qui est dehors. On nous parle des habits, on finit tout, et à la fin, Mizbeach HaZahav. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Le Ramban, Nachmanide, vous connaissez Nachmanide? Oui, oui. Quelqu'un sait à quelle époque il vivait, Nachmanide? Au temps du Ramban? Juste un peu après, je crois, 60 ans après, non? Non, il avait 10 ans quand le Ramban est décédé. C'était presque la même période, mais il était juste après, en fait. Le Ramban, qui est né en Espagne, mais qui a fini sa vie en Israël. Très intéressant d'ailleurs, parce qu'il est parti 3 ou 4 ans avant la fin de sa vie. Il est parti s'installer là-bas, à Yerushalayim, il a essayé de redévelopper tout. Il est niftara. Akko. 1200. Comment? Akko, c'est Tel Aviv. Ah, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Akko. Le Nachmani, il pose une question incroyable. Il dit, quand on regarde les deux autres parachats de la fin de Shemot, c'est-à-dire Vayakhel, Pekoudé, on nous reparle tous les éléments du Mishkan. On énonce à nouveau, mais la différence, c'est que dans un cas, on parle du tzivouï, de l'ordre que HaKadosh Baruch Hu, Dieu nous donne de le construire, alors que dans Vayakhel, Pekoudé, on le fait dans les faits, on construit. On le fait vraiment. Et c'est très logique, c'est que plus tard, quand on fait Vayakhel, Pekoudé, on les construit dans un ordre beaucoup plus logique. On fait d'abord la menorah, le Mizbeach HaPnimi, c'est normal, on commence par l'intérieur, puis après on sort, après on fait Mizbeach HaChitson, on le fait dans l'ordre, comme un architecte le ferait, c'est logique. Mais quand Dieu, il donne le tzivou, il donne l'ordre, qu'est-ce que ça vient de vérifier là maintenant? Tout à la fin de la paracha de Tetzavé, on va faire le Mizbeach HaZahav. Ça, c'est Nachmani qui pose cette question. Alors, il y a des autres éléments qui sont un peu bizarres. C'est que, par exemple, on nous dit à propos de Mizbeach HaZahav, Kodesh Kodashim, il est saint des saints. C'est bizarre, pourtant, il n'est pas du tout Kodesh Kodashim. Il n'est pas dans le saint des saints. Il est en dehors. Il est Pnima, il est à l'intérieur du Mishkan. Il n'est pas dans la cour, mais il n'est pas dans le Kodesh HaKodashim. Pourtant, c'est marqué Kodesh Kodashim. Dieu, il dit à Aaron, attention, tu n'amèneras pas dessus l'Ota'alu Alav Ktoret Zara. Dieu nous en préserve de mettre un feu étranger. Mais sur l'autre Mizbeach aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'était pas un barbecue, on pouvait faire n'importe quelle viande. Mais là, à propos de Mizbeach HaZahav, attention, qu'est-ce qu'il y a tellement dramatique là? Alors moi, j'ai une question pour vous. Simple. Sur le Mizbeach HaNechoshet, on faisait des corbanotes, on approchait des sacrifices, des animaux, d'accord, qui étaient après. Début vivant, après qu'on a la grande. Alors que sur l'autre, on amenait des encens. D'accord. Qu'est-ce que vous voyez de différent entre ces deux éléments? Les encens, c'est végétal, et les animaux, c'est animal. Parfait. L'un est animal, l'autre est végétal. D'accord. Encore quelque chose. Le sang. Comment? Le sang, l'animal avait des sangs. Des sangs. L'autre aussi, il y avait des sangs. Mm-hmm. L'autre aussi, il y avait des sangs. Le sang. Ah, le sang. Le sang. Oui, parce que, effectivement. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait l'homme quand il apporte un animal? Quel effet ça lui fait à l'homme? Est-ce qu'il se sent l'homme plus proche de l'animal ou il se sent plus proche des ktoret, des encens? Le végétal mange l'animal. Pourquoi? Pourquoi il se sent plus proche de l'animal? Parce que l'animal lui reflète quelque chose qui est très proche de lui, finalement. Nous, on a en nous quelque chose qui est aussi... On a un instinct animal, on a une effet shabbat, exactement. Alors que les ktoret, c'est quelque chose de beaucoup moins... C'est beaucoup plus abstrait, c'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'il y a une souffrance ou une douleur, etc. C'est la raison pour laquelle, quand on parle d'animaux, on parle de korban. Korban qui vient du mot en hébreu, les karev, qui rouge, s'approcher. Mais quand on parle des encens, on emploie un autre terme qui s'appelle pas korban, on dit ketoret. Qu'est-ce que c'est ketoret? Ketoret en arabien, ça vient du mot kasher. En hébreu, on pourrait dire, la traduction c'est kasher. C'est attaché. Quelle est la différence entre le fait de s'approcher ou de s'attacher? Ben, s'attacher, c'est beaucoup plus fort, c'est-à-dire c'est une pnimiote, c'est une intériorité, c'est-à-dire on s'attache. Quand on approche quelque chose, on peut revenir. On garde déjà, et on garde en conscience qu'il y a deux entités qui restent distinctes. On les rapproche, on peut les approcher très fort, mais on peut toujours les dissocier, revenir en arrière et les rapprocher. Le fait un homme d'apporter un animal, il se rapproche de Dieu, il se rapproche, mais il reste encore distant. Le fait d'être mis kasher, de s'attacher à Dieu, il essaye de faire en sorte de devenir un avec, une entité. D'où déjà le premier élément qui nous vient à l'esprit, c'est que quand on apporte des ktoret dans le Mishkan, à l'intérieur, c'est pnima, c'est beaucoup plus pnimi, c'est beaucoup plus profond. Le lien qu'on crée avec Akadosh Baruch Hu est beaucoup plus profond que celui qui est fait à l'extérieur. Parce que l'autre, on fait que s'approcher, mais... Dans notre vie quotidienne, nous avons également différentes approches avec Akadosh Baruch Hu. Des fois, on s'investit de manière profonde, de manière... je ne veux pas dire sincère, parce que dans les deux cas, c'est sincère, mais des fois, c'est plus intense. Et des fois, ça l'est moins. Le cœur, lui aussi, il a des midotes qu'on appelle ça chitsonites, et des midotes qui sont plus pnimites, qui sont plus profondes. Maintenant, dès qu'on parle de midotes, dès qu'on parle de traits de caractère, on en vient tout de suite à une problématique où les gens sont rarement d'accord avec ça, mais il va falloir qu'on réfléchisse ensemble. Je peux penser à des choses avec vous, et on peut être d'accord, ne pas être d'accord, etc., mais contrôler d'une certaine manière... Son mind, son. D'accord ? On peut jauger et dire voilà, maintenant j'ai envie de penser à ça, ou à un moment donné je dois me concentrer sur telle et telle chose. Mais dès qu'on parle de midot et qu'on parle de sentiments, très vite les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ça, moi, j'aime ou j'aime pas ? Si j'aime, j'aime. Si j'aime pas, j'aime pas. D'où la fameuse question qui revient souvent : comment Dieu il peut nous ordonner d'aimer Dieu ? Si on n'aime pas, on n'aime pas. Et on aura beau parier ce qu'on veut, si on n'aime pas. Mais dans Chassidut, très souvent, on dit que Mohar Shalit Alalev, que le mind, le cerveau, il a une forme de contrôle. Alors comment ce contrôle, il a vraiment un effet sur le sentiment? Le Mizbeach HaZahav, il est écrit à la fin pour nous mentionner quelque chose. Quand vous rentrez à la maison le soir, il y a deux manières de rentrer à la maison du travail. Il y a où on n'a pas fini sa journée au travail, on a encore plein de tracas, etc. Et on arrive comme une boule de nerfs. Et celui qui passe devant, que ce soit les enfants ou je ne veux pas dire, il prend. Ou il y a ce que me disait un jour ma directrice, là où je travaillais en France, elle me disait « Laissez vos affaires personnelles dehors quand vous rentrez à l'école ». dire tout, ou alors tu es capable de dire voilà, quand je rentre Pnima, quand je rentre à la maison, home, la maison, c'est exactement comme un Mishkan. C'est Pnima, c'est l'intérieur, c'est godliness, c'est saint. Et je me dis, avant de rentrer là, hein, je vais d'abord faire mon korban dehors, je vais sacrifier le Nefesh HaBaal. Je vais laisser mon côté animal, tous mes. Quand je vais rentrer à l'intérieur, je vais aller dans les choses plus raffinées. Ktorak, Zahav, Pnima. Je rentre à l'intérieur. En nous, puisque le verset disait la semaine dernière, Ve'asuli Migdash, Ve'shachanti Betoham, on a un temple aussi. Et on a ce Khatsar, on a cette cour, et on a aussi le Mishkan à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on a des Levushim, on a certaines qualités, certains outils, et on a nos kochot, on a nos forces, on a nos dons, comment dirais-je, nos facultés, et on a des outils. Et on doit faire attention de garder ce qui doit être dehors, c'est-à-dire le côté chitson, le côté extérieur de notre cœur, le travailler de sorte que à l'intérieur aussi, le côté pnimi du lev, lui aussi, il travaille dans la bonne direction. Un jour, il y avait un chassid, Tzemartzadak, qui faisait des affaires. Et toute la semaine, il partait dans une ville qui s'appelait Lipling. Et quand il allait pour faire des affaires, il ne voulait pas aller avec son long manteau, avec son chapeau, avec, tu sais, il allait pour faire des affaires. Alors, il avait un petit costume, classe, avec une petite cravate, présentable pour le travail. Pour pas que les gens ils se posent trop de questions, etc. Il faisait du business. Et à la fin de la semaine, avant Shabbat, avant de rentrer à la maison, il se changeait, etc. Et il revenait pour Shabbat, il se préparait. Et puis là, et un jour, il va voir son maître, le Tzemar Tzadek, en costume de travail. Comment on pourrait dire, en bleu de travail. Avec son petit costume, avec sa cravate et tout. Et il dit à son maître, au rabbi, il dit... Il y en a marre, je ne veux plus jouer ce jeu-là, l'hypocrisie, là, je ne veux plus. Là, je suis comme ça, là, je suis comme ça. Il y en a marre d'être schizophrène. Je vais être le même. Alors, dorénavant, j'arrête avec le long habit. Je reste en costume, je reste. Alors, c'est Marcela qui a dit, je suis très étonné. Je suis choqué de ce que tu me dis. Moi, je croyais que quand tu étais ici, chez nous, tu étais vraiment toi. Et quand tu allais là-bas, tu faisais le clown. Ça veut dire que tu avais... Maintenant, tu es en train de me dire, c'est l'inverse. Quand tu es ici, tu fais du cinéma. Et là-bas, tu es vraiment toi. Je ne comprends pas. Alors, il y a une expression qu'on dit en araméen, que l'être humain, il doit faire en sorte d'être toho kebaro. Il doit être à l'intérieur comme il est à l'extérieur. D'accord ? Alors, il y a des gens qui disent, bon, moi, comme à l'intérieur... Je suis comme ci, comme ça. Moi, alors à l'extérieur aussi. Tant qu'à faire. Non. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est l'inverse. Toho kevaro, ça veut dire comme ça. À l'extérieur, je fais de mon mieux pour paraître comme quelqu'un de bien. Pour être au mieux aux yeux des gens. Pour paraître et pour pouvoir satisfaire les gens qui vont être en face de moi. Et le cas échéant, je vais obtenir moi aussi ce que je veux dans le cadre du travail. Je ne vais pas dire à tout le monde, vous regardez, je suis un bandit. Mais je dois vous vendre quand même des choses. On ne dit pas ça. Chas v'shalom. Même si, des fois, au fond de nous, ce n'est pas encore parfait, mais au moins, on essaie de paraître bien. Alors, le but, c'est quoi? Est-ce que c'est de dire, bon, moi, je ne veux plus être hypocrite, je ne veux plus être un menteur. Je vais être à l'intérieur comme à l'extérieur. Moi, au fond de moi, je sais que je mens un peu, que je suis un peu hypocrite. Alors, on va le faire aussi dehors. Ou alors, on dit l'inverse. Dehors, j'essaie de faire mon maximum pour montrer que je suis quelqu'un d'honnête, de droit. Même s'il n'y a que moi qui le sais. Entre moi et Dieu, mais je sais que des fois, je vais essayer de faire en sorte que l'intérieur va ressembler à l'extérieur. Et doucement, doucement, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, selon vous, qui sont foncièrement les mêmes dans leurs pensées, dans leurs sentiments que dans leurs actions? Non, on est tous différents. Complètement. Halevaï, comme on dit, il serait bien d'être... Exactement, pareil. On aimerait. Mais on n'est pas. Mais en attendant de l'être, parce que c'est ce vers quoi on tend. Mais en attendant, qu'est-ce qui vaut mieux? Que l'intérieur soit parfait et l'extérieur soit moins parfait? ou que l'extérieur soit parfait et que l'intérieur ne soit pas encore parfait? C'est ça la question qu'il faut se demander. Ouais, mais il y a beaucoup de problèmes dans ça. Mais en toute honnêteté, dans le sens où ça amène au Khilul Hashem aussi. On donne l'impression à des gens qu'on ressemble à ça et on n'est pas ça. Et on fait des actions qui ne sont pas justement ça. Non. Si tu fais les actions, c'est l'extérieur. Non. Exact. Oui, mais ça, on parle de quelqu'un qui fait les actions. Si tu actes honnêtement. Oui, mais. Ah, oui. Tu actes honnêtement, tu ne voles personne, tu mens à personne. Oui, mais maintenant. Oui, mais on a. Ah, au fond de toi. On a le cas inverse aussi. On a des gens qui. C'est pour ça que je vous pose la question. Idéalement, ce qu'il faudrait, c'est être moral et être 100% bien à l'intérieur comme à l'extérieur. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est le Benoni, celui qui arrive vraiment. D'accord ? Mais en attendant, si je vous donne le choix, je vous dis voilà, est-ce que vous préférez être mieux au fond de vous et moins bien aux vues des gens, aux yeux des gens, ou vous préférez être bien aux yeux des gens, que les gens vous perçoivent comme quelqu'un de bien, honnête, etc., et à l'intérieur être moins bien ? En attendant, Bentay. Le deuxième. Oui. C'est ça. Parce que être super éthique et moral à l'intérieur et extérieurement passer pour un voyou, c'est le comble, ça. C'est dommage. On s'entend. Et là, ils disent voilà, moi, je veux être bien avec moi-même, je veux être en paix, je veux pas mentir avec personne. Combien de fois ça m'est arrivé? Je vais voir un gars, je dis mais c'est Shabbat, ou etc. Et puis, entre moi et le bon Dieu, on se comprend, on s'entend. Voilà. Tu comprends? Moi, je veux vivre en paix, je suis honnête avec moi-même. Et oui. Être honnête avec toi-même et être tout nu, bien sûr c'est honnête, mais ça se fait pas. Les gens ils voient que t'es tout nu. Ça te gêne pas? Ah ben moi je suis honnête. Mais on sait qu'en dessous les habits c'est comme ça. Mais extérieurement tes habits tu fais en sorte. C'est ça l'être humain. Et toute la différence entre, là où je voulais vous amener tout à l'heure, entre l'humain et l'animal, ce qui fait qu'on est, on a quelque chose de proche de lui, c'est qu'on est aussi animal, mais la différence c'est que nous, on a quand même envie de se cacher de notre côté animal. Lui l'animal non. Lui il a pas ce... côté-là, l'animal, pourquoi? Sa nature, c'est sa nature. La nature, c'est qu'il n'a pas de... Lui, il est vraiment à l'intérieur comme à l'extérieur, mais pas comme on voudrait être. D'accord? Nous, on voudrait être à l'intérieur comme à l'extérieur, mais un niveau au-dessus. Maintenant, comment on applique ce paradoxe-là qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur, entre le misber, hazahav, et le misbah haktoret et le misbah hachitsan dans notre vie quotidienne, comment nous on peut vivre avec ça? Est-ce qu'aujourd'hui on fait encore des sacrifices? Non, mais quand on lit le Keter, on les lit, oui, mais oui. Est-ce qu'on égorge encore des mots? Non. Est-ce qu'on apporte encore des encens? Donc non, concrètement, on le fait pas. Mais les chrétiens, eux ils vont aux Olympiques, mais concrètement, nous, comment dans notre vie quotidienne? Parce que il y a un Zohar qui dit comme ça, il dit, Akadosh Baruch Hu, pour créer le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé dans la Torah. Il a créé le monde avec la Torah. Ouais. Alors il y a beaucoup de gens qui se posent la question, ils disent, mais comment ça fonctionne, cette histoire? Puisque la Torah, elle est arrivée après, comment Dieu, il a pu regarder dans la Torah avant, alors qu'elle est arrivée après? Ça marche pas, ça. Non, mais le Maaseh Bereshit, c'était tout en même temps. D'accord, mais la Torah, puisqu'elle a été donnée après, elle était où avant? Oui, mais je veux dire, toute l'histoire qu'on allait vivre a été déjà prévue, déjà. C'est sûr. La création. Alors, il y a deux manières de lire la Torah. Il y a où on lit la Torah comme une histoire. On dit, voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Des événements qui se succèdent, qui d'ailleurs, des fois, ne sont pas racontés dans l'ordre, etc. Ou on prend la Torah comme une instruction, comme un mode d'emploi. Si on le regarde comme un mode d'emploi, c'est-à-dire une histoire qui était déjà écrite à l'avance, et que, effectivement. Alors, ce mode d'emploi-là, c'était pas un mode d'emploi d'un moment donné, c'est un mode d'emploi qui est tout le temps valable, qui est sans date de péremption. Donc, en quoi ce mode d'emploi, il s'applique à nous maintenant? Comment on fait pour apporter un ktoret, c'est-à-dire faire ce travail pnimi, ce travail d'intérieur, et ce travail extérieur aujourd'hui? Comment on travaille là-dessus? Comment rejoindre les deux bouts? Très bonne question. Alors, pour la parenthèse, la Hashgacha Pratit, la providence divine, elle fait encore autre chose. Elle fait en sorte que le 7 Adar. Oui. C'est quoi le 7 Adar? Le jour de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est né et niftar le 7 Adar. Il tombe aussi quasiment tout le temps avec la paracha de Tetzaveh. Et qu'est-ce que c'était de ça? Qu'est-ce qu'il y a dans cette savée de très intéressant? Vous remarquerez Shabbat quand vous allez suivre la Torah. C'est la seule paracha depuis la naissance de Moshe Rabbeinu où son nom n'est pas mentionné. Nulle part il est écrit Moshe. Mais il n'y a pas de paracha. Avant qu'il soit né, peut-être. Ah, oui, non, quand elle a fait. Mais Chénin a mis ses frères à une mort. Oui, c'est ça. Avant. Si hein, tu oui. veux exterminer toutes les juifs, ouais. enlève-moi le nom de la Torah. Ça, c'était le oui. paracha. Le Vaudor. Le Vaudor, oui, le Vaudor. C'est ça. Oui. C'est dans Kitissa. Mais dans Kitissa, on voit oui. le chef. La semaine prochaine. Non. La semaine d'après. D'après. Pour travailler la différence, l'écart qu'il y a entre le pnimi, ce qu'on a à l'intérieur, et le chitsoni, c'est la avoda de Moach Shalit Alalev. C'est le travail de faire en sorte que l'intellect, il fait travailler, il a une certaine influence sur nos sentiments et sur nos envies. Il y a des gens qui se mettent des fois dans des situations où ils savent qu'ils sont faibles, ils savent que c'est dangereux pour eux. Mais ils essayent, ils veulent toucher au feu, comme on dit. Ils savent que, par exemple, à tel et tel endroit, ils vont rencontrer des personnes qui ne sont pas bien pour lui. Il ne faut pas qu'il aille là-bas. Mais il y va quand même. Après, il dit, ah, mais mes sentiments, mais ton mort, il savait que tu n'aurais pas dû te mettre dans cette situation, de te présenter. Tu sais, ton mort, il sait que tu es faible à ce niveau-là et que tu n'aurais pas dû te mettre là-bas. Donc, a priori, déjà, essaye d'éviter. Mais pour revenir à notre exemple de tout à l'heure, des trois paris, des trois bêtes, c'est que, quelque part, en fait, ce qu'on découvre, c'est qu'en s'éduquant et en se travaillant, une forme d'éducation qu'on peut faire pour apprendre à apprécier ou à ne pas apprécier, c'est-à-dire travailler sur un feeling qu'on a sur un aliment ou sur autre chose. Moi, je ne suis pas capable de manger telle et telle chose, ou je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, je n'ai pas l'endurance pour. Mais si vraiment la motivation est là, tu es capable de travailler et de faire en sorte que, en d'autres termes, si, Bechitsoni ou extérieurement, tu joues ce jeu, si on peut dire ça comme ça, et tu t'entraînes, et tu t'éduques, tu peux doucement te diriger vers quelque chose. Vous savez, il y a une halakha dans Shulchan Aruch très intéressante qui dit que Shabbat, il faut que la maison change, c'est-à-dire qu'on doit faire le ménage, on doit mettre la plus belle nappe et la plus belle vaisselle et les plus beaux objets, hein, qui essayent de mettre beaucoup de choses en argent, et la meilleure nourriture, et les meilleurs habits. Ouais, vous allez, pour le samedi. C'est ça. Mais c'est, alors, à quoi on joue? Et si quelqu'un, Shabbat, il n'est pas heureux, a priori, il n'a pas envie, il a passé une mauvaise semaine, il s'est mal passé avec ses clients. Alors comment il fait? Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on doit faire ça, pourquoi? Parce que le fait de se mettre dans cette atmosphère-là, quelque part, ça te pousse et ça te met dans une autre dimension qui te permet de... Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais il y a des jours où on s'habille parce qu'on doit s'habiller. Bon, alors on s'habille, on met des habits. Il y a des jours où on dit, je vais me mettre bien. En français, on dit se mettre sur son 31. Et quand tu te regardes dans le miroir le matin, tu t'es bien habillé parce que tu avais un rendez-vous important, whatever. Tu as mis le beau costume avec la belle cravate et tout. Dans ta tête, tu es différent. Pourquoi tu es différent? C'est parce que l'habit, il a une influence sur toi. Pourtant, c'est chitsoni, c'est une enveloppe chitsoni, tu sais. Mais le pnimi, ce qui est au fond de nous, il est travaillé par ça. Et il est influencé, et il a envie de, soudainement, il a envie. Est-ce qu'on se ment? Non, c'est honnête. Mais c'est s'attirer soi-même, c'est comme ce s'auto. C'est intéressant aussi parce que Shabbat, on dit que Shabbat, on est dans un guédère, comme on dit, on est dans un... Dans un enclos fermé. Shabbat, c'est quelque chose qui représente pnimiyut, c'est quelque chose qui représente ce qu'il y a de profond. Yom Tov, qui est très assimilé à Shabbat, c'est pas Pnimiyut. C'est plus Ritzoni Shabbat. Yom Tov. Alors que Shabbat. C'est très important. C'est vraiment quelque chose de pnimi, d'un intérieur. Oui. D'où la raison pour laquelle, par exemple, il y a beaucoup de chassidim, en tout cas, qui mettent un habit, l'habit qu'ils portent, c'est un habit qui est fabriqué de soie. Pourquoi ? Parce que c'est végétal, animal et... La soie ? Oui, c'est un ver. Le ver est animal. Exactement. Et le fil de soie qui produit est végétal. D'accord, mais d'où il vient le fil, contrairement par exemple à du coton ou de la laine ? La soie... De l'abdomen du ver. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Ouais. C'est pnimi. Porter de la soie, je sais pas, une cravate en soie, ça représente quelque chose de profond, de pnimi, d'intérieur. Oui, c'est une coutume qui veut qu'il y en a qui portent quelque chose en katan, soie. Chabat, on a il y a toujours un carré de soie, oui, c'est vrai. Mais Shabbat, c'est quelque chose de spécifique. Il y a des gens qui ont remarqué, moi je ne savais pas, mais il y a des gens qui ont remarqué que Shabbat, le rabbi portait toujours un manteau. Oui, tout le temps. Tout le temps. Tout le mais même s'il faisait très chaud. Ouais. Alors que Yom Tov, même s'il faisait très froid, le rabbi n'avait jamais de manteau. Pourquoi ? Parce que le pnimi Shabbat, il doit rester pnimi. Il doit rester à l'intérieur. On le garde intérieur. Une chose que j'ai remarqué aussi très intéressante dans la paracha de cette semaine, pour conclure, vous savez qu'à chaque fois à la fin de la paracha, quand vous regardez, il y a marqué là-bas Siman. La paracha, elle porte un Siman, un signe, avec un chiffre. C'est le nombre de versets, exactement, de psukim qu'il y a dans la paracha. Combien il y en a cette semaine ? Oui, j'ai pas compris. À la fin, prends un chumash, voilà ici. Oui, à chaque fois, il y a trois lettres. C'est marqué Siman. Oui. Alors, d'habitude, c'est marqué, prends une paracha normale, c'est marqué... Oh, vous allez pas là. Comment ? Je fais exprès dans mon traîneau, parce que sinon, on a déjà la réponse, déjà. Koufla Metep Tsukim. OK. 139. Oui. Etc. La plus grande, c'est la paracha de Nassau. Je crois que c'est 175, 176. La paracha de cette semaine, elle a 101 versets. C'est quoi 101 ? Michael. Comment vous savez ? Michael, l'ange Michael. Le Kohen, celui qu'on décrit au début de la paracha qui porte tous les habits qu'il portait. J'allais dire Magen David Adom, mais. Pourquoi ? On est à Echad. Hein ? 101, c'est Magen David Adom, non ? Ça fait aussi 101 ? Ben non, c'est en Israël, c'est 101. Ah, il faut dial 101. Ah, je ne savais pas. Je n'ai pas réalisé. Le Kohen, il est représenté à l'ange Michael. Là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'il a le Kohen ? Il porte aussi des habits. Il y a plusieurs habits qu'il porte, oui, qui sont très particuliers. Le Ephod, le Choshen, le Avnet, le Mitznefet, le Tzitz. Et tous ces habits-là, qu'est-ce qu'il faisait au Kohen ? Il lui donnait une apparence, n'est-ce pas ? Il avait tout un look. Et c'était à chaque fois différent en fonction du travail de la Avoda qu'il avait à faire, il était différent. Et le jour de Yom Kippour, qui était Shabbat, Shabbaton, c'est le Shabbat de Shabbat, il n'était plus habillé en or ou avec plein de pierres. C'était pas aussi. C'était très simple. Yom Kippour, il était Bigdé Lavan. Bigdé Lavan, l'or, oui. Très simple. Extrêmement simple. Comment on explique que ça n'a rien à voir avec ça, mais que le Kohen, il portait du chatnez. Vous me ramenez à une question que la semaine dernière on s'est posée. Il y a une Gemara qui dit que, je vais revenir à cette chose-là, mais il y a une Gemara qui dit que Hillel, quand il est arrivé de Bavel, il est arrivé en Eretz Israël. Alors là-bas en Israël, à Yerushalayim, on traitait très mal les gens qui venaient de Babylonie. On disait que c'était des gars de la banlieue. Comment tu dis ? Les Bagdadis en plus. Les Bagdadis, voilà, en tout cas, c'était des. Alors on n'avait pas beaucoup de. En tout cas, on les dénigrait un peu. Un jour, les gens d'Yerushalayim, ils ont été voir les dirigeants, les leaders de l'époque, c'était Bnei Betera. Ils avaient une question. Et personne ne savait répondre à cette question. La question, c'était si Pessah tombe. Non, si Erev Pessah tombe un Shabbat, le premier seder, c'est Motsaï Shabbat, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que le Korban, on le fait quand même, ou on le fait avant, on repousse ? Et tout le monde avait un trou, personne. On n'a pas la réponse, Arton, on était inquiet, qu'est-ce qu'on fait ? Hillel qui était là, il a dit, on le fait, bien sûr qu'on le fait. Il a dit, comment t'es si sûr ? D'où tu... Il dit, mais il y a 200 Pessahs dans l'année. 200 Pessahs dans l'année, comment ça ? Il dit, mais toute l'année, Shabbat, quand il y a des carbanotes à faire, on les fait ou pas ? Oui. On les fait. Alors, pourquoi que ça, je vais changer de CPS? Comment on faisait des corbanes de Shabbat? Je croyais qu'on n'avait pas le droit d'allumer le feu. Comment on fait? Mais tout était déjà prévu, non? Mais non. Il y a des choses qui sont interdites en dehors du temple. Mais dans le temple, ce n'est pas qu'elles sont permises, elles sont obligées. Ah, ouais. Le feu, on n'a pas le droit d'allumer en dehors du temple. Pourquoi? Parce que c'est un travail du temple. Mais dans le temple, on allumait le feu. Chatnez, c'est un issour pour celui qui est pas Kohen. Mais le Kohen, non seulement c'est pas un sourd, c'est un riouf qu'il a, c'est une obligation qu'il a. Ah ouais. Ses habits étaient composés de ça. C'est-à-dire que des fois, la même chose, le même acte, il peut être dans un cas interdit parce qu'il apporte quelque chose de pas bien. Et dans un autre cas, c'est pas qu'il n'est pas permis. Il est obligé. Regardez, quelqu'un qui est malade, il a un problème grave, Shabbat. C'est pas qu'on lui autorise à prendre la voiture, c'est pas qu'on lui tolère, on lui rend pas un service. On lui dit non, tu es obligé. Obligé. C'est péché de pas le faire. Oui. C'est tout. Inverse. C'est inverse. C'est-à-dire que, en fonction de l'endroit ou de la situation, etc., les choses sont différentes. Il y a plein de règles, par exemple, la Shemitah, etc., qui sont en fonction de l'endroit, du temps, etc. Mais les mêmes choses, les mêmes éléments, hors cet endroit-là ou hors ce temps-là, c'est pas tout pareil. C'est vrai. Donc nous, on pense que blanc, c'est toujours blanc. Non. C'est une idée reçue qu'on a. Pour nous, c'est pas bon. Et pourquoi le Kohen était obligé de porter ce mec? Comme ça, Dieu il a voulu. Les Big Day Kehuna, ils étaient composés de telle manière que Dieu voulait qu'ils soient comme ça. Ah, mais c'est Chatnez. Oui, alors. C'est pour lui, c'est pas pour nous. Ouais. Mais il devait les porter juste à l'intérieur ou il pouvait les porter à l'extérieur du temple? Non, c'était que pour la avoda du Beth Amikdash. Quand il sortait, il était un civil. Il changeait ses vêtements. Bien sûr. C'est intéressant parce que quand on parle de Hillel, on voit que Hillel, les Bnei Betera, ils étaient des gens extraordinaires et pourtant ils ont eu un kohar, une force extraordinaire de pouvoir. Au moment où ils ont vu que Hillel avait la bonne réponse. Tout de suite, ils l'ont dit, prends notre place. Incroyable quand même, ils ont fait un truc pareil. Il y a un homme qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Perachia, qui dit dans la Gemara, il dit, avant que j'arrive au leadership, on aurait pu me faire n'importe quoi, j'aurais refusé de prendre la place. Mais une fois que je suis arrivé là, vous me ferez n'importe quoi, je ne céderai plus ma place. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que normalement, c'est marqué Sna et Tarabanou. Il faut pas. Il faut éviter, il faut essayer de ne pas se mettre dans des situations où on est. Mais la difficulté de l'homme, c'est qu'une fois qu'il est là-haut, il n'a plus envie de redescendre. Mais il y a des gens qui ont une force humaine, qui ont une force morale tellement élevée, qui sont capables de dire il y a quelqu'un qui est mieux à ce poste, je vais laisser. Bnei Betera, ils avaient cette qualité-là. Ils ont dit à Hillel, puisque tu as répondu non, n'était pas là au père, prends le leadership. Incroyable. Mais Hillel, lui-même, juste après, il a lui aussi failli. Parce que là où il avait besoin, il a eu l'humilité qui lui a permis d'arriver à cet endroit-là. Juste après, il a perdu cette humilité, il a failli redescendre là où il venait. Quand les Bnei Betera, ils lui ont dit, alors, comment t'as fait pour avoir la réponse? Qu'est-ce qui t'est arrivé que... Alors il leur a dit, mais vous n'avez pas servi Shmaya Bartalion. L'air de dire, mais... Moi, j'étais avec les bonnes personnes, vous. On dit qu'à ce moment-là, il a failli redescendre de là où il venait. C'est-à-dire qu'il a failli reperdre sa place. Dans l'histoire juive, il y a eu plusieurs épisodes comme ça où il y avait des grands qui avaient une place et a priori, on ne pouvait pas les détrôner. Mais ils ont eu cette force d'âme. On dit que Rabbi, celui qu'on appelle Rabbi dans la Gemara. Rabbi Yodanassi. Oui. Pareil, il a dit jamais personne ne prendra ma place, sauf si Rav Huna se présente. À lui, je donne ma place tout de suite. Alors un jour, il y a un de ces talmidim qui a voulu le niaiser, qui a voulu lui faire une blague. Et il est arrivé, il a dit, il y a Rav Huna dehors. Le rabbi, il avait pris une peur terrible. On dit qu'il est là. Et il a demandé, est-ce qu'il est là ou il est dans une boîte? Ça veut dire, est-ce qu'il est venu me voir ou... Voilà, exactement. Il est sorti, il n'y avait rien dehors. Alors il est re-rentré, il n'a plus jamais adressé la parole à cette personne. Parce que ça lui a mis dans une telle situation. Parce que lui, il était prêt à rien. Mais devant Rav Huna, Il était prêt. C'est-à-dire que dans sa tête, lui, il était déjà passé à autre chose. Ce n'était pas une blague à faire. Il n'a plus jamais adressé la parole à cette personne. Un autre exemple, plus contemporain, c'est l'histoire de, je crois qu'il s'appelait Tzvi, le fils du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, quand il est décédé, la logique voulait que son fils prenne. Et donc, il s'est vêtu des habits de son père, le Baal Shem Tov, pour prendre le leadership. Mais comme l'expression le dit en français, ses habits étaient trop larges. Ils n'étaient pas à sa taille. Très vite, les gens, les disciples, les gens qui ont connu le Baal Shem Tov, ils se sont rendus compte que c'était pas à la hauteur. Et ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Mais personne n'osait lui dire. Mais lui, il s'est rendu compte, il voyait très bien que ça. Alors le jour du Hesger, du Yortzeit, la première année du Baal Shem Tov, il s'est adressé aux disciples et il leur a dit: Mori et Rabbi, mon maître, mon père est venu me voir et il m'a dit que le mieux pour prendre le leadership, c'est Dovber. C'était le Magui de Mezritch. Et comme ça, devant tout le monde, il a retiré ses vêtements et il les a donnés au Magui de Mezritch et il a changé de place. Mais on ne se rend pas compte la grandeur d'homme que c'est de faire une chose pareille. C'est-à-dire d'être à ce point, d'être capable de dire il y a quelqu'un qui peut mieux faire que moi. C'est surhumain comme chose. Il n'y a pas beaucoup qui savent faire ça. Trauma était de savoir. Et plus tard, bon, il y a Kitissa qui me pose au milieu. Plus tard, il y a quelques coudées. Elle vient nous montrer quelque chose de très important. C'est que très souvent, et c'est normal, c'est humain, on veut se mettre en avant. Même des fois pour la bonne cause. Pour aider. La trauma, c'était quoi? C'était la dîme, c'est-à-dire on ramassait pour construire le temple, etc. Il y a des fois des gens qui sont capables, qui ont les qualités pour, qui font avec bon cœur, attention, hein, c'est positif ce que je dis. Ils se mettent en avant et disent, moi je suis prêt à aider, à faire, pour que ça marche, pour que ça fonctionne. Et lors de la construction du temple, il y a plusieurs comme ça qui se sont présentés, mais pas forcément pas. Il y a un peu de ego, c'est sûr, l'être humain il est fait comme ça, mais aussi par bon cœur. Mais il y a des fois où il faut savoir mettre en avant la force collective plus que la force individuelle. Et cette balance-là, elle est très difficile à gérer. À savoir, comment faire en sorte que ma pierre à moi, mon apport à moi, il va aider, mais sans pour autant déséquilibrer le rapport collectif qu'on peut avoir. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on part du principe que ce que je fais, c'est bien, que forcément, il n'y a pas quelqu'un d'autre de mieux. Et donc, laisser sa place, se mettre en retrait parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent jouer ce rôle ou le collectif peut faire encore mieux, ce n'est pas une chose évidente, mais c'est une chose sur laquelle on doit se travailler. En bref, le Khatsar, la cour qui était autour de tout le Mishkan, elle englobait, c'était une partie moins kadosh que le Mishkan, n'est-ce pas? Mais d'une certaine manière, elle permettait à un grand collectif d'agir. Et c'est pour ça que les korbanot, ils étaient mechaper, ils pardonnaient tout le klal, n'est-ce pas? On dit que même quand quelqu'un il amène un korban pour fondre sa propre faute, etc. C'était aussi mechaper pour tous les autres, n'est-ce pas? On pouvait participer à un korban. Et des fois, on a besoin de l'individu, du pnimi de chacun. Des fois, c'est le misbeh hazav qui joue ce rôle. Mais le misbeh hazav, on ne pouvait pas nous apporter des ktorets, etc. C'était le service que du Kohen. Personne ne pouvait voir. C'était à l'intérieur. C'était pnima. C'était quelque chose de pnimi. Alors, ça, il faut savoir jouer la balance entre le chitsoni et le pnimi, mais pas se dire que le chitsoni, c'est pas quelque chose de positif. C'est pas vrai. Ça a une influence sur le pnimi. Mais le but ultime, quand même, c'est qu'au fond de nous, on devienne, comme on a dit tout à l'heure, tocho kevaro, qu'on devienne l'intérieur comme l'extérieur, mais à un standard élevé. Pas à dire je suis à l'intérieur et à l'extérieur pareil, mais à un niveau bas. Alors tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau-là, il faut continuer à tirer vers le haut, c'est-à-dire continuer à être dans l'action du mieux qu'on peut, en espérant que ça va avoir une influence sur le pnimi, que doucement, doucement, on va être aussi droit et aussi honnête qu'on est à l'intérieur comme on est à l'extérieur. Alors voilà pourquoi le Mizbeach HaZahav, certainement, il est écrit à la fin. C'est que quelque part, le but ultime, c'est ça. Le but ultime de tout le Maaseh HaMishkan, c'est le Mizbeach HaZahav, c'est-à-dire que c'est la Pnimiut qui est la plus difficile à atteindre. comme c'est le but, alors Dieu il a donné comme si oui à la fin. Et c'est incroyable parce que pourquoi on l'appelle Kodesh Kodashim? Rashi nous dit parce que le Mizbeach il était Mekudash, il était sanctifié. Les Dvarim Halalou Bilvad, les Lola Vodacheret, on ne pouvait rien faire d'autre dessus. Mais quoi, sur le Mizbeach Hanachoshet aussi, on ne pouvait rien faire d'autre. Comment? C'est vrai. Mais pour le Mizbeach Hazar spécifiquement, la Torah elle dit Kodesh Kodashim, comme si c'était le Saint des Saints, comme si c'était le Aaron lui-même. L'air de dire, c'est tellement important ce travail pnimi qu'on a à faire en nous, c'est-à-dire que le travailler sur ses qualités pnimites, sur notre caractère, nos traits de caractère intérieur, c'est tellement important que c'est Kodesh Kodashim, c'est très simple. Et l'Otaalu Alav Ktoret Zara, vous n'allez jamais apporter dessus des encens qui sont étrangères, c'est-à-dire vous n'allez pas vous raconter des histoires, vous raconter du mensonge. Regardez ce que Nadav et Aviou malheureusement ont fait. Ils ont amené un korban qui était zar, qui était étranger. Ils ont fait l'erreur de dire, ils voulaient bien faire. Mais c'était zar, c'est-à-dire que c'était pas. Ils se sont joués. Ils se sont joués. Non. C'est très difficile pour nous de dire ça parce qu'un dit, c'est aidé. Mais c'est de dire à quel point pour les Ktoret c'était très grave comme affaire. Alors nous aussi, on peut pas amener de Ktoret Zara sur notre. J'ai une question. Ok, on a dit qu'il faut faire ressembler l'intérieur par rapport à l'extérieur. Maintenant, quelqu'un qui est né déjà religieux, on va dire, ok, qui a un extérieur qui paraît bien, mais qu'à l'intérieur il n'est pas bien. Comment on fait? Comment on travaille là? Vous voulez travailler sur un autre religieux? Non. Moi, je veux travailler. Laissez-le travailler, ça veut dire. Non, là, mais c'est quoi le mode d'emploi de travail? C'est ça que je veux dire. C'est quoi comment on travaille? Ça, je veux pas savoir pourquoi ou comment. Je veux savoir c'est quoi le derrière à prendre pour pouvoir travailler, pour que nous on ressemble, par exemple, qu'on puisse ressembler à l'extérieur comme à l'intérieur exactement la même chose. C'est-à-dire dans le sens, dans le bonne chose. Comme je vous ai dit déjà, ce qu'il faut c'est ne pas se dénigrer en se disant ah je suis en train de me mentir à moi-même. C'est pas vrai. Je suis pas vraiment la personne honnête ou la personne que les gens pensent. Alors, puisque c'est pas vraiment, comment dirais-je, il y a pas de similitude entre ce que je suis à l'intérieur et à l'extérieur, alors je vais baisser le standard extérieur. C'est de la gava de se dire, non, je vais essayer de paraître comme ça et je veux être comme ça. Ce que j'essaye de dire, c'est non, c'est parce que il y a une expression qui dit, mitorchelo lishma, balishma. En faisant, sans avoir en pensée qu'on fait pour la bonne cause, à the end, il faut se dire que c'est pour la. C'est ça, on arrive à faire. Voilà, par exemple, on dit que quelqu'un qui étudie, même s'il n'étudie pas pour les bonnes raisons, ouais. Il étudie parce qu'il veut se rendre plus intelligent, ou il étudie parce qu'il pense que ça va lui apporter quelque chose. À la fin, il va. Voilà pourquoi. Parce que, à force de mimer, à force de. Ça va le transformer. Vous avez déjà vu des enfants, des fois, des petits qui vont à la synagogue, ils font comme ça. Ouais. Non, on rigole, ça le fait. C'est cute. Ouais. Mais nous, aux yeux de Dieu, on fait pareil. Hein. Ouais, je sais. Ça veut dire. Pire. Ouais. Mais alors quoi, Dieu, qu'est-ce qu'il rigole? C'est cute parce qu'il disait, au début c'est comme ça, mais après le petit il grandit. Après il fait vraiment la tfila. Usually people outside, they behave better than they behave inside. Because it's a facade. You have to look good, you have to behave good. Mm-hmm. Then you come home and at home you scream or you do, or you behave inside. Mais il ne faut pas culpabiliser de ça. C'est ça que je veux dire. Il y a des gens, ils vont culpabiliser, ils vont dire « Ah, c'est pas bien de paraître comme ça. Les gens, ils pensent de moi que je suis celui-là. En vérité, je suis que ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Pour mieux me sentir, je vais baisser le standard. » Non! Tire ton pnimi vers le haut et ne te dis pas que la manière dont tu actes vis-à-vis des gens, c'est une hypocrisie ou c'est une façade ou c'est faire le clown. Ne te dis pas ça. Dis-toi que tu dois tendre vers... En bref, la vie qu'on a à l'extérieur, ça c'est le goal à atteindre. Mm-hmm. D'accord? Okay. Tu sais, des fois, il y en a un, il vient, il fait les spéciaux. Ouais, il va à la baie, il voit les spéciaux, il voit un super costume. Il est magnifique et tout. Il essaye. Ah, j'ai trop de. Je ne rentre pas dedans. Mais il est beau, c'est une affaire et tout. Alors, il y en a qu'est-ce qu'ils font? Pas tous, hein, mais il y en a qu'est-ce qu'ils font. Il l'achète. Il le met dans le placard et tous les jours, il le voit, il a tellement envie de le mettre. Il se bouge. Ouais. Bon, il y en a un autre, il va l'acheter, il va pas se bouger, il va le perdre. Dommage, mais. C'est vrai. Il faut s'imaginer que l'habit qu'on porte, l'image qu'on donne aux gens, ça c'est le goal. Et le pnimi, il va doucement tendre vers ça. Mais après, l'habit, il peut aussi évoluer. Ça, c'est toute la relation avec la publicité. Ils vous font penser ce que vous n'êtes pas. En fait, citer, c'est du vrai mensonge. Ça, non, mais dans le sens où ils vont mettre le costume, le gars, il est mince. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la façade qu'on donne aux gens, c'est pas bien qu'il faut donner aux gens, ça. Non, mais en fait, cette façade, elle a aussi un impact sur nous. C'est une façade qu'on a aussi pour nous. Je dis, c'est du mensonge. They say, if you care what God, like, because people care what other people think about them. You behave like you don't want, you want him to think good about you. So if towards God, if we care how God thinks about us, the same way we want other people to think about us. But God knows what's inside. To him, you cannot lie. I mean, tu peux pas mentir. Mais c'est la même chose. C'est la même chose, l'intérieur. C'est vrai. Mais vous, comme Dieu, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'y a que vous qui savez ça. Pour vous. Mm-hmm. Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Et votre femme. En général, c'est tout. Tu sais, je veux dire, des fois, ça peut aller loin. C'est parce que des fois, les relations humaines font que il y a aussi une part infime. C'est tout petit, j'espère en tout cas. Ouais. Mais il y a aussi une part de jeu là-dedans et qui est pas. On est, tu comprends? Sinon, on serait des tzadikim. Et c'est ça qui est intéressant. Pourquoi c'est marqué? Pourquoi le verset il dit dans un endroit où les tzadikim ils se tiennent, dans un endroit où les balais chouva se tiennent, même un tzadik ne peut pas se tenir. Pourquoi? C'est intéressant. Parce que le Baal Tshuva, son travail à lui, c'est ça. C'est que son pnimi, il était très loin de son habit. Mais doucement, doucement, il a fait ce travail. Alors que le tzadik, lui, il est exactement à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, il n'a pas de ce travail-là. Alors, le tzadik ne peut pas se tenir parce que le Baal Tshuva, lui, il a un travail qui fait que l'autre n'a pas fait. D'accord? Un a découvert ce que c'est le mensonge, C'est dur quand on dit le mensonge, que c'est un mot dur, mais on va dire le vide, le manque de vérité. Il a expérimenté ce. Mais on l'a tous, ça, bah oui. À un certain niveau. Des fois, on le fait à nous-mêmes. On se raconte des histoires à nous-mêmes. Mais le fait de paraître bien devant les gens, c'est pas parce qu'on veut leur mentir. C'est pas le but en soi. C'est qu'on veut paraître honnête. On veut être honnête, en fait. On essaye de l'être. Mais au fond de nous, on n'est pas encore 100%. Mais au moins, dans l'acte, on l'est. Et c'est ça qu'on demande pour le moment. On demande dans l'acte d'être honnête. Bon, alors maintenant, si quelqu'un vous pose une question, par exemple, tu es chômeur Shabbat, qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond oui, même si on n'est pas. Un exemple. On essaie. Tu manges cachère. On essaye, on tente de l'être. Quand quelqu'un il arrive devant le juge, oui, et le juge lui dit, monsieur, avez-vous dit la vérité à votre client ou pas? Je dis avec la bouche. Oui, je lui ai dit. Parce que le juge, il lui dit, est-ce que vous avez pensé la vérité ou vous pensiez le... Le juge, il ne veut pas savoir ce que tu pensais, il veut savoir ce que tu as fait. Est-ce que tu as dit la vérité ou pas? Est-ce que tu as pris ce qui n'était pas à toi? Est-ce que tu as volé ou pas? Après, toi, tu as pensé voler ou pas pensé. Lui, il ne veut pas savoir ce que tu as pensé. Il veut savoir ce que tu as fait. Nous, on juge sur nos actes. Okay. Maintenant, Dieu, lui, il scrute l'intérieur. Et lui, il a ces deux paramètres, mais nous, on doit tirer vers ça. Non, dans le sens où si la personne n'est pas chômage, ou elle ne mange pas gage, ou... Quelqu'un m'a demandé un jour, quelqu'un m'a appelé un jour, il m'a dit, vous savez où je viens d'une ville qui s'appelle Québec, vous connaissez? Non. Alors un jour, oui, quelqu'un... C'est le chaleur. Ouais. Alors un jour, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, est-ce que vous avez le minyan, Shabbat? Alors je dis, oui, Shabbat, on a le minyan. Okay. Alors il m'a dit, mais est-ce que... Il y a vraiment minyan. Il y a au moins 10 personnes qui sont chômeurs Shabbat. Alors j'ai dit, je sais pas. Il dit, comment tu sais pas? Je sais pas. Comment je sais, moi? Ah ouais, je sais pas. Alors, non, c'est parce qu'il y en a qui aiment pas. En tout cas, c'est une longue histoire. On va pas faire l'histoire courte, mais ouais, il y en a qui sont compliqués. Alors je dis, regarde, moi je sais une chose, c'est qu'il y en a un qui essaye. Le reste, je sais pas. Tu commences à y en a qui essaye. Je dis, ouais, moi j'essaye, mais le reste. Bon, il a compris qu'il fallait pas qu'il vienne.